Quand j'étais petit, j'avais des rêves. Premier amour comme Adam et Ève. C'était de connaître le goût de ses lèvres. C'était de l'apercevoir quand je me lève. Rayon de soleil traversant la fenêtre. Dès le réveil comme un aura de bien-être. Les oiseaux chantent le temps est maître. Un nouveau jour vient de naître. Rayon de soleil traversant la fenêtre. Dès le réveil comme un aura de bien-être. Les oiseaux chantent le temps est maître. Un nouveau jour vient de naître. Aérodynamics, oxygénarium. La rivière d'Hélice et le transdémonium. Notre utopie avant Utopia. Avec une glace à la vanille chocolat. Allons faire un peu de ballon, un peu de danse. Et multiplions tous ces allons par des millions. Et tous seront intenses. Allons faire un peu d'action, retentons notre chance. Allons faire un parc d'attraction, regagnons notre enfance. Maison folle, dingue, l'arche de Noé manquait. L'aventure dans la jungle et on les aurait tous fait. La journée bientôt finie, mais encore loin de l'avoir terminée. Restaurant, une nuit, une nouvelle autre journée. Les autotamponneuses autonaires de Zeus. On s'en mettra sûrement plein les yeux. J'ai plus la 4G, la gravité est à 4G. Ma vésicule biliaire voyageuse. Rayon de soleil traversant la fenêtre. Dès le réveil comme un aura de bien-être. Les oiseaux chantent le temps est maître. Un nouveau jour vient de naître. Rayon de soleil traversant la fenêtre. Dès le réveil comme un aura de bien-être. Les oiseaux chantent le temps est maître. Un nouveau jour vient de naître. Ce soir-là je me suis couché adolescent. Ce soir-là tout comme moi le lit en était tremblant. Ce soir-là était comme une scène culte. Ce jour-là je m'étais réveillé en adulte. Le lever du soleil, la délicieuse matinée sur Paris. Un café, une viennoiserie, un jus de fruits dans cette boulangerie. En cette journée, en cet après-midi, chacun dans sa bulle, dans son écume. Et ce jusqu'à la fin de la nuit. Rayon de soleil traversant la fenêtre. Dès le réveil comme un aura de bien-être. Les oiseaux chantent le temps est maître. Un nouveau jour vient de naître. Rayon de soleil traversant la fenêtre. Dès le réveil comme un aura de bien-être. Les oiseaux chantent le temps est maître. Un nouveau jour vient de naître. Rayon de soleil traversant la fenêtre. Dès le réveil comme un aura de bien-être. Les oiseaux chantent le temps est maître. Un nouveau jour vient de naître. Rayon de soleil traversant la fenêtre. Dès le réveil comme un aura de bien-être. Les oiseaux chantent le temps est maître. Un nouveau jour vient de naître.